Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, L'automobile et nous, une série d'Olivier Chomel réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a des souvenirs cuisants d'auto-école et ce moniteur sosie de Dick Rivers qui faisait aussi de la voyance. Il y a des queues de poissons et des noms d'oiseaux, mais aussi une incroyable sensation de liberté quand on est seul au volant. Sauf pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. Alors pour commencer, les personnages. Un jeune conducteur, une archiviste emballée, un historien lucide, un prof de philo qui a l'œil, un historien de l'auto, une femme sauvée par sa voiture et Octave Mirbeau. Ensuite le décor, des pannes, des leviers de vitesse, la mécanique, un centre d'archives, des publicités, la domination masculine, la 4L et l'intimité. Aujourd'hui, deuxième épisode, on trace la route. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. La voiture change l'homme, la voiture change la personnalité, et c'est peut-être ça qui rend le truc intéressant en fait. Je pense qu'il faut avoir beaucoup lu Proust, beaucoup lu Mirbeau, beaucoup lu Sandrart, beaucoup lu Nimier, beaucoup lu, pour parvenir à goûter ce plaisir trivial plein et entier. Non, je ne déteste pas ça, je ne déteste pas les bagnoles. La voiture, c'est en quelque sorte un signe extérieur, non pas de richesse, mais d'aisance. Depuis déjà un siècle, l'automobile participe de ce rêve-là, d'aller au-delà des limites de la condition de l'homme et de sa fragilité. L'automobile et nous. Olivier Chomel, Yvon Croisier. Le carcan et la liberté. Moi, la radio un peu plus fort, et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Vous montez dans la voiture, vous mettez autour la playlist que vous avez concoctée pendant des semaines, et vous êtes seul au volant, la vitre ouverte, mais c'est génial, c'est une impression de liberté que j'avais rarement connue. Il y a vraiment ce sentiment d'être à l'abri derrière les parois de la carrosserie. On prend son automobile et on se rend là où on veut sans avoir de compte à rendre à personne. On se sent complètement libre en voiture, quoi. Le travail permet au travailleur d'acheter une bagnole. La bagnole lui permet d'aller au travail et d'aller faire ses courses au supermarché. Certes, il y a les traites de l'emprunt bancaire, les dysfonctionnements de la tête de Delco, l'assurance hors de prix, la fourrière, le carburant, les accrochages, les retours de manivelle devenus très rares de nos jours, les garagistes véreux, les copilotes déplorables, les coulages de biel, les pétages de durite, les encombrements de la place Clichy ou les bouchons lyonnais du tunnel sous Fourvière, et mises bout à bout, les heures passées à la recherche d'une place de stationnement sont des siècles. L'automobile, dit également bagnole, caisse ou tire, est le vecteur de tracas de toutes sortes. Mais il faut reconnaître que l'auto peut aussi nous apporter une liberté véritable, nous amener où nous voulons et à l'heure qui nous convient. Elle nous a offert de pouvoir dépasser très largement la vitesse du galop du cheval. Elle transporte les choses et les personnes qu'on veut. On y écoute la musique ou la radio que l'on préfère. On s'y sent chez soi, préservé du monde extérieur qui est si hostile. Et elle peut même se faire complice du bon vieux coup de la panne d'essence et abriter nos premiers émois. L'automobile suscite des passions brutales et antagonistes, de l'enthousiasme à la détestation. Personne ou presque n'y est indifférent. Il y a très peu d'objets manufacturés qui possèdent cette caractéristique. Mathéo, c'est votre voiture. C'est ça. Un gros break gris, C'est quoi comme modèle ? C'est une BMW 520D E39, qui n'est pas toute jeune, qui a une vingtaine d'années. Combien de kilomètres ? 234 000. Après, c'est des moteurs qui tiennent 400, 500 000. Et vous êtes un tout jeune homme, titulaire du permis depuis quelques mois ? Depuis 4 mois, à peu près. Et de fait, vous vous en servez au quotidien ? Moi, je m'en sers tous les jours parce que j'habite pas tout près de là où je travaille. Donc, c'est pratique d'avoir un break avec un grand coffre. On peut mettre tout ce qu'on veut et puis... Puis elle fait de la route, quoi, donc plutôt fiable, même si elle a quelques pannes de temps en temps, quoi. Quel genre ? Bah, en vacances, on a perdu la vis qui tenait le levier de vitesse à la boîte de vitesse. Donc on s'est retrouvé avec une boîte de vitesse qui passait la marche arrière quand je mettais la première, en plein milieu des montagnes, dans la forêt, sans trop de réseau ni de batterie. Mais finalement, ça m'a coûté une bouteille d'amaretto et ça a été réparé, quoi. C'était qu'une vis, fallait juste soulever la voiture et puis on a eu une panne de batterie, des petits trucs comme ça quoi. Il y a de la routine. Vous pouvez nous montrer le moteur ? Ouais, pas de soucis. C'est encore chaud. Il y a eu le temps de chauffer. Ben vous voyez, moi je suis complètement démuni devant cet assemblage. C'est un petit moteur de taille conséquente. C'est qu'un 4 cylindres, mais qui fait sa taille, quoi. Et vous avez des notions de mécanique ? Bon, j'ai pu réparer la durite du turbo qui avait explosé. Enfin, explosé, c'est un gros mot, assez déchiré, quoi. Après, pour le problème de la batterie... C'est où, la durite du turbo ? C'est en dessous, ça. C'est ce qui part du turbo, il faut suivre le circuit, et c'est celle qui arrive ici. Donc c'est un gros morceau de caoutchouc, tenu par deux gros trucs de métal, et sans ça il n'y a pas de puissance, une grosse fumée noire et on consomme. Donc c'est toujours mieux de l'avoir. Après ça marche, depuis ça marche. C'est peu décoré mais il y a deux autocollants quand même. Il y en a un qui dit Stress Driver, Keep Your Distance. Je vous laisse traduire, Mathéo. Conducteur stressé, gardez vos distances. Et l'autre, et je ne suis pas un saint. J'ai l'impression, Mathéo, que la liste des inconvénients de posséder et d'utiliser une voiture est plus longue que celle des avantages. Disons que celle des avantages est plus... Elle est plus courte, mais la satisfaction est plus grande. Comment dire, j'aime pouvoir partir quand je veux. Si un soir, je me sens pas bien, j'arrive pas à dormir et je sais que le lendemain, je commence pas avant 11h, je prends ma voiture et si je veux, je vais jusqu'en Normandie à la mer et je reviens. Je mets la clé dans le contact et puis j'ai l'horizon face à moi, quoi. On se fait des lignes, on Ford Mustang et bang, on embrasse les platanes. Masse à gauche, tang à droite et à gauche à droite. On est à la Maison de la Pub, c'est une agence qui archive des publicités audiovisuelles sur tout sujet, avec Anne Saint-Dreux, la directrice de la Maison de la Pub et fondatrice, et vous conservez un fonds qui approche le million de documents. Notre fonds approche effectivement le million de films publicitaires depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'automobile est un moteur, sans jeu de mots, extraordinaire pour la publicité parce que c'est un gros investisseur et jusqu'à il y a quelques années encore, il était numéro 1 en investissement publicitaire, mais ça représente quand même des sommes colossales, effectivement au moins bien 10%, 10 à 12% des investissements en publicité. Anne Saint-Dreux, vous nous avez fait une sélection de quelques documents publicitaires sur la voiture qui nous font voyager de 1955 à 2009. Bonjour, voulez-vous venir avec moi ? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter ? Confortablement installé ? Alors, allons-y. c'est la voiture maniable, facile à dégager, la voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Et voilà, au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. C'est aussi la voiture de l'homme d'affaires qui n'a pas de temps à perdre. Quel démarrage! Quelle accélération! Quelle sécurité! Elle grimpe remarquablement. Et ne chauffe pas en montagne. Je vous passe le volant. Alors, bonne route. Je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres au 100 km. C'est un charme fou. Alors, cette publicité est vraiment intéressante parce que elle lance la 4 chevaux, qui était la première voiture nouvelle de Renault. Deux ingénieurs avaient eu l'idée de créer ce qui n'existait pas avant, une voiture économique populaire. Qui était populaire et adaptée à la masse. Et on pense un peu à 1936, au Front Populaire, les premiers congés payés, où les gens prenaient le train. Mais là, après-guerre, bon, les gens ne veulent plus prendre le train, ils veulent prendre la voiture. André Roche, vous êtes historien et vous êtes beaucoup préoccupé des loisirs, des vacances. Et la voiture, c'est un peu la condition de ça. La voiture, c'est véritablement l'objet du loisir. C'est aussi ce qui permet de prendre une ou deux journées. Alors les curés sont pas très contents, parce qu'au lieu d'aller à l'office du dimanche matin, les gens prennent la voiture pour faire un pique-nique. La 4 chevaux, c'est une petite voiture à laquelle vous êtes attaché, j'ai l'impression. Effectivement, j'y suis attaché parce que c'est la voiture que j'ai vue émerger dans le paysage urbain ou même le paysage villageois de ces années 50. Quand vous étiez gamin. Voilà, quand j'étais un tout petit gamin, ouais. Elle était intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est sa forme, enfin c'est une motte de beurre. D'ailleurs, on l'a surnommée la motte de beurre. Mais c'est aussi une couleur. Toutes les autres voitures, elles étaient noires. Et puis cette 4 chevaux Renault, elle a encore deux ou trois caractéristiques. D'abord, elle est accessible, donc 4 chevaux, 4 places, 440 000 francs. C'était le slogan de la voiture. Et de ce point de vue, elle est accessible à des plus petits budgets, à ceux des instituteurs, à ceux des employés de banque, etc. etc. Ça reste un sacrifice. Ah bah oui, il faut faire des économies pour la voiture. Jusqu'ici, c'était des classes sociales, des catégories sociales qui partaient en vacances pour aller dans la famille. Avec la 4 chevaux Renault, il y a l'idée du voyage qui vient s'imposer. C'est merveilleux. Ah, c'est un émerveillement, oui, c'est cela. L'objet voiture est extrêmement paradoxal, André Roche. C'est la clé de la liberté individuelle, en quelque sorte, de déplacement. Viens ma chérie, on va à la mer. Puis c'est aussi une sorte de fléau. Alors, j'aime votre formule, viens ma chérie. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que c'est l'homme qui décide. La voiture, c'est la domination masculine. Et alors, c'est, dans cette domination, il n'y a pas une violence, puisque viens ma chérie, on lui offre, c'est un cadeau. Mais en même temps, elle ne peut pas se sauver. Donc elle est tributaire. C'est lui qui va décider. Puisque c'est lui qui s'occupe de la voiture, c'est lui qui la bichonne, c'est lui qui fait les chromes. Il fait pas la vaisselle. C'est important, les chromes. Ah ben les chromes, c'est capital. Il y aurait toute une émission à faire sur les chromes et sur le dimanche matin à briquer les chromes. Ah ben oui, bon, ouais. Il fallait même pouvoir se mirer dans le chrome. Sinon, c'était pas propre. Hein. Bon, et beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont plus âgés de ces années-là se souviennent des réprimandes qu'ils ont subies de la part de leur père parce que ça ne brillait pas suffisamment. Donc il décide quand il part, il décide de l'itinéraire, il décide les moments où on s'arrête pour telle ou telle raison. Donc de ce point de vue, il y a une domination douce, vous voyez, qui s'installe, qui est une forme de domination tout à fait contemporaine. Elle n'est pas brutale. Alors de temps en temps, il peut y avoir conflit. En particulier, faut prendre la carte Michelin. n'y a pas de GPS, hein, donc on prend la carte Michelin. Qui c'est qui regarde le parcours? C'est madame. Et quand monsieur se trompe, évidemment, c'est elle qui lui a mal indiqué là où il fallait aller. Donc ça donne un petit conflit interne, vous voyez? Voilà. Mathéo, je me suis laissé dire que vous étiez le chauffeur attitré de votre petite amie. Ah bah, je l'emmène à la fac le matin, je vais la chercher quand elle finit à peu près aux mêmes horaires que moi, puis quand elle veut aller à la Fnac à Paris, je l'emmène. Je suis un peu le chauffeur, oui. Je vois pas d'inconvénient. En plus, j'aime conduire, donc quand elle me dit « viens, on prend la voiture pour aller quelque part », j'ai déjà les clés dans la main. Cette occasion qui est garée en bas d'ici, qui a une petite vingtaine d'années, vous l'avez trouvée comment ? Sur le bon coin. Je l'ai vu. En fait, j'en avais vu une autre qui était un peu plus puissante, mais quand j'ai appelé l'assurance, ils m'ont fait comprendre qu'avec à l'époque un mois de permis, c'était pas trop possible d'avoir une voiture vraiment puissante. Disons que j'ai pas forcément beaucoup d'argent, donc j'essaye d'acheter ce que je peux pour ce que j'ai. Et forcément, il y a toujours des pannes quand c'est des voitures qui ont 20 ans, 25 ans, mais j'ai dans l'idée d'acheter par exemple un vieux V8 américain, bah là ça se répare comme une mobilette, ça coûte rien, c'est en général tant qu'il y a de l'huile et de l'essence, ça roule. Comment est-ce que vous avez acquis ces connaissances, vous tout jeune, Mathéo? Alors moi c'est parce que mon père a toujours eu plein de voitures différentes, il en achetait une, il la revendait un peu plus cher, puis il en achetait une autre, il la revendait, puis il en achetait une autre. Donc on a eu ça va de la Twingo au Jeep Cherokee, en passant par sa première voiture, c'était une Ford Torino Brougham de 1970, donc c'était un gros V8. On a eu des Chrysler, des 4x4, le dernier là c'était un Dodge Tradesman de 1978, un gros camping-car qui avait 300 chevaux sous le capot. Mais bon, il nous a fait passer des bonnes vacances, et puis voilà. Nerveuse, rapide, confortable. Les plaisirs de la vie. Je pars en voyage avec mes amis. Et tous nos bagages ont leur place ici. Régate, c'est le grand confort à 130 à l'heure. Régate, s'il est trop sans, ça fait pas mon bonheur. Sur la terre entière, nous roulons joyeux. Avec la frégate, tout est merveilleux. Là, on était en 1957. On se souvenait à peine de cette voiture, la frégate. Là, on vend La Haute-Fleurie, qui était le titre d'une opérette de Francis Lopez, un tube de Georges Guettari. Et on fait le parallèle entre le monde de l'opérette, joyeux, frivole, et la voiture. Et c'est là où on commence à vendre du rêve. La voiture, c'est l'apparence. Autrement dit, Pour un foyer, surtout s'il est modeste, il faut qu'il montre une certaine aisance. Et pour montrer cette aisance, il montre la voiture. Et de ce point de vue, c'est en quelque sorte un signe extérieur, non pas de richesse, mais d'aisance. 10 parasols et 3 tables de jardin, à livrer à l'hôtel des bains. Un beau gigot, c'est pour une réception, 21 rue Gontaut-Biron. Livrez-le-moi à domicile, y a pas de roulette, ça va être difficile. Vous devez avoir une fuite, je prends mes outils et je passe vous voir. Et puis voici des fleurs, des fruits et des cajots. Voici des fruits de mer, de la sole, du turbo. Mais c'est toujours la même histoire, livré, transporté, du matin au soir. Renault répond à chacun des problèmes, en tout lieu, en toute saison. La petite fourgonnette R4, c'est nerveux, c'est économique. Et puis, il faut l'avoir dans le trafic. Ce qui me plaît dans l'estafette, c'est que c'est facile à charger. Elle ne tient pas de place, qu'est-ce qu'on y entasse? On y met toute une classe. Y'en a prévu pour la zone bleue. Et ça braque ça, madame. Tu as un peu de feu. Moi, je suis ravi de ma fourgonnette. Moi, je suis ravi de mon estafette. Ah, la nouvelle estafette, 1000 kilos. 300 kilos, 800 kilos, 1000 kilos, c'est Renault. Ce qu'on promotionne là à propos de la 4L et de l'estafette, ça n'est pas la position sociale que donne une belle voiture, c'est l'aspect utilitaire du véhicule. Alors, c'est l'aspect utilitaire qui est vanté. On y voit beaucoup de joie, puisque ça correspond à la France rurale, joyeuse, économiquement prospère. Là, dans ce film, on voit des commerçants, des artisans, tous heureux avec leur voiture, en train d'être en même temps laborieux mais efficace. Et la gamme Renault s'adapte à tout. Mais ce qui a fait aussi la pérennité de cette marque, c'est que les services publics tels que la poste de l'époque, l'électricité également, avaient pris cette voiture-là comme voiture de fonction, parce que les képis pouvaient être maintenus sur la tête de ceux qui les conduisaient. Parce que c'était suffisamment haut. Et bien parce qu'elle était haute. Et c'était une manière de rester réglementaire. Et puis la 4L qui est dans les villages de montagne, qui monte pour livrer un courrier dans des endroits impossibles, ou bien qui va dans les chemins de campagne, et bien tout ça, ça marque une France qui est encore un peu rurale et dont le tissu économique est en train de se construire. Et cette 4L va dans tous les chemins, même les plus reculés. Florent Bussy, vous êtes prof de philosophie, vous avez publié « Critique de la raison automobile », qui est une succession d'observations sur le sujet qui est le nôtre. Je vais lire quelques lignes de la table des matières. « Petite phénoménologie du rond-point, la publicité pour les voitures, la condamnation centralisée des portes, les femmes au volant, le périphérique, la station-service, la carrosserie, les animaux écrasés, le garagiste, les journalistes automobiles, le salon de l'auto ». On voit tout de suite que c'est un vaste sujet. Oui, tout à fait. En écrivant ce livre, en fait, j'avais comme objectif de repérer un petit peu tous les usages qu'on avait de l'automobile. De quelle manière est-ce que l'automobile affecte nos vies quotidiennes? C'est pour ça que les rubriques que vous avez lues, il y en a 41 en tout. En fait, elles ont pour objectif de cerner les différents aspects, les différentes manières qu'on a de se rapporter à la voiture. Et ce que j'ai cherché à montrer, c'est que vraiment, elle englobait de très nombreux aspects de notre vie. Et qu'à ce titre, elle occupait une place importante dans nos quotidiens. Et que peut-être même elle définissait quelque chose comme une condition dans notre rapport à la mobilité, à l'espace, au temps, à la société, aux autres. Et donc, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait à ce point être mobile, Florent Bussy? Je pense à Blaise Pascal, cette phrase célèbre. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Alors, je ne sais pas si je peux répondre exactement à la question du pourquoi. Ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, depuis déjà de nombreuses décennies, et peut-être même depuis plusieurs siècles, la mobilité est devenue quelque chose d'important, pas simplement dans le fait que des gens étaient susceptibles de migrer pour des raisons politiques ou sociales ou économiques, mais parce que nos organisations, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue économique, du point de vue technique, eh bien, en fait, imposent à tout le monde de se déplacer. On ne travaille pas là où on vit, on ne fait pas de loisirs là où on loge. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose comme un discours autour de la mobilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très valorisé, voire survalorisé. On en fait un enjeu politique. Hein. La mobilité est devenue un droit de l'homme comme les autres, quasiment. Une obligation. Et en plus, une obligation, parce qu'on n'a pas effectivement le choix. Celui qui aujourd'hui voudrait ne pas être mobile, bah, il se condamne à la marginalité, il se condamne parfois au chômage. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui, devant une panne automobile, se retrouvaient extrêmement embarrassés pour leur travail. Je connais même des entreprises qui aujourd'hui font de la location à bas coût pour des gens qui sont en situation de recherche d'emploi. Ça veut donc dire qu'on peut pas aujourd'hui concrètement se passer de ça. Et en plus de ça, en dehors de l'obligation, de la contrainte, il y a aussi, je vous l'ai dit, une valorisation, un discours autour de l'automobile et de la mobilité, parce qu'on en fait aussi une source de liberté, une source de découverte, une source de, d'ouverture. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances, qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Ciel d'été. Mathieu Flonneau, vous êtes historien des mobilités. J'ai remarqué que l'argot français, et j'imagine les argots étrangers aussi, est extrêmement riche quant à la voiture. Et ça, c'est un signe, me semble-t-il, de l'importance du phénomène. En général, quand le langage s'étoffe sur un sujet, c'est que le sujet est important. Il y a presque autant de mots désignant la voiture que dans le domaine de l'alcool, du sexe et du travail. On peut en citer quelques-uns comme ça, la tire, la caisse, la roulotte, la charrette, la brouette, la bagnole, bien sûr, la carriole. Tout ça, c'est des noms féminins, entre parenthèses. Sinon, il y a le taco et le tape-cul. Je partage tout à fait avec vous la remarque sur la grande diversité et les grandes capacités d'appropriation, car désigner une chose par un nom, ça n'est jamais aléatoire. Il y a effectivement de grandes capacités d'énonciation du rapport à l'automobile. Et il n'est pas anodin. Alors, la bagnole, par ailleurs, l'origine même de ce mot est très intéressante parce que ça vient de la banne, du petit panier moyenâgeux. Et donc, c'est bien l'idée que c'est utilitaire. Que ça transporte quelque que chose. Que ça transporte quelque chose. Et donc, une bagnole, c'est pas le plaisir de la voiture pour la voiture. C'est un monde très disparate, hein. Même à une époque donnée, c'est presque délicat de parler de l'automobile en général, de mettre sur le même plan une Citroën Visa et une MG, par exemple. C'est un peu comme les chiens, vous savez, quand on met en vis-à-vis un berger malinois et un Yorkshire, on peut douter qu'il s'agisse de la même espèce. Absolument. C'est pourquoi je résous l'équation que vous venez de soulever précisément par le concept d'automobilisme, parce que un camion, c'est aussi une automobile. C'est vraiment la diversité de ces mondes qui frappe. Et la comparaison animale et la métaphore que vous venez d'employer est très pertinente également. Moi, je l'applique moins aux chiens qu'aux chevaux. Parce que précisément, dans le monde équestre, vous avez les mêmes fluctuations de frontières, si j'ose dire, de dénomination des objets, en l'occurrence des animaux. C'est-à-dire que le cheval a été considéré comme un moteur. Et il n'y avait aucune sensibilité animale, sauf pour les très beaux chevaux, sauf pour les purs sangs. Et donc les purs sangs seraient assimilables aujourd'hui aux véhicules de luxe ou aux hypercars. C'est-à-dire, on parlerait d'une Ferrari, on parlerait d'une Aston Martin, on parlerait d'une Bentley, avec des alezans, des purs sangs arabes, etc. Mais la carne, le bourricot, la Visa ou la Clio utilitaire, oui, c'est l'essentiel du monde de l'automobilisme. C'est cela qu'il faut aussi pointer, c'est-à-dire que vous avez un monde très divers, un spectre très large, et essentialiser l'automobiliste, c'est une grave erreur. Il y a 1000 personnes qui conduisent l'automobile. Moi, j'étais un enfant des Trente Glorieuses, et donc j'ai vécu l'automobile plaisir liberté des années 60-70, avec la DS où on descendait pour la première fois, sur la Côte d'Azur pour les vacances, les premières vacances. Et enfin, la chanson de Trenet est celle qui illustre le mieux ça, National 7. Hein, c'était voilà. Donc on va où on veut, quand on veut, etc. Jean-Pascal Assailly, psychologue. Et ce qu'on voit bien progressivement, eh bien, c'est que cette image entièrement positive va, à partir des années 90, devenir beaucoup plus ambivalente. On va voir arriver le versant négatif. c'est-à-dire la prise de conscience des accidents, des 17 000 morts par an, puis la prise de conscience de la pollution, et puis les conséquences négatives de la massification, c'est-à-dire les embouteillages, le fait que maintenant, quand vous habitez autour des grandes villes, la voiture est devenue plutôt un embêtement, pour parler poliment, qu'autre chose. On est vraiment dans une profonde ambivalence entre la liberté et le danger. À cause des enjeux de développement durable, pas tellement à cause de la sécurité routière, plus à cause de l'écologie, on va être amené effectivement à supprimer notamment un des facteurs qui était très important, notamment pour les jeunes hommes, c'était la recherche de sensations que produisait la vitesse, par exemple. Et l'accélération, qui était... Alors certains vont le chercher sur des falaises, d'autres dans des vagues. Bon, sur 8 millions de jeunes, c'était pas étonnant que certains allaient choisir la route pour avoir ce qu'on va appeler le vertige horizontal de la vitesse, comme d'autres cherchent le vertige vertical sur une falaise. Bien sûr, ça a toujours été une des grandes dimensions de la prise de risque, la recherche de sensations. Si vous voulez, la prise de risque, que ce soit sur une falaise, sur une vague ou sur une route, c'est toujours le moyen que les gens cherchent pour assouvir ce besoin de recherche de sensations qui est pas du tout un besoin déviant, qui est un besoin naturel de l'être humain. Et on a besoin on a un énorme cerveau de sapiens sapiens, de milliards de neurones, on a besoin de le nourrir. Sinon, on dépérit, on s'ennuie, et c'est la mort. Donc, chacun de nous va en permanence rechercher des sensations. En voiture à 1000 à l'heure, les yeux fixés sur le compteur. Mes cheveux blancs dans la figure, une mèche coincée dans la ceinture. En sens inverse sur l'autoroute, il n'y a rien que je redoute. Je bois encore de la vodka et je conduis qu'avec un bras. Quand je rentre de la discothèque, que j'ai vomi sur la banquette, je fais un beurre sur le parking. Roule à combien votre BM, Mathéo? Elle peut monter à 240, mais je ne l'ai jamais fait. Elle va de 0 à 100 en à peu près 7 secondes. Le 200, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit être une trentaine de secondes, quarantaine de secondes. Donc, si je veux accélérer, vous pouvez. En moyenne, je suis plus rapide que les autres. Après, ça ne sert à rien. C'est bien la vitesse aussi, non? Je suis plus fan d'accélération que de vitesse. À votre avis, quels sont les rapports que vous entretenez avec l'objet automobile? Vous l'appelez comment? Pas de nom. Pas de nom. J'en suis pas encore là. Je parle pas de nom propre, mais c'est ma voiture, ma bagnole, ma caisse. Ça dépend des jours. Un jour c'est la bagnole, un jour c'est la caisse, un jour où elle a bien roulé, c'est ma belle. Bon. Ouais. C'est quand je suis très en retard, je lui dis allez ma belle, il va falloir rouler vite maintenant. Pour moi, c'est un objet de plaisir dans le sens où c'est fait pour faire de la route, passer des bons moments, pouvoir se rendre à des lieux où on pourrait pas forcément aller autrement, aller faire du camping sauvage dans les Cévennes, des choses comme ça. En ville, si je travaillais moins loin, je prendrais les transports en commun. Mais je sais qu'avec celle-là, le matin, j'en ai pour un quart d'heure à aller au travail. En transport en commun, je mettais une heure. Donc, c'est mieux d'avoir une voiture. Et puis, vous y êtes bien. Une voiture personnelle, c'est presque un domicile. C'est d'ailleurs considéré comme ça juridiquement. On ne peut pas perquisitionner comme ça, sauf les douaniers, un véhicule. Oui, il y a le plaisir d'avoir ça pour soi, mais il y a aussi le plaisir de voir quand il pleut les franges mouillées de ceux qui attendent le bus pendant trois quarts d'heure dans les embouteillages et d'être au chaud dans sa voiture avec la radio qui tourne. Et j'ai arrêté de fumer, mais il s'imaginait avec une bonne cigarette. Florent Bussy. Les premiers usagers de l'automobile étaient des gens qui appartenaient à la classe bourgeoise, voire aux classes aristocratiques. Il y avait beaucoup d'accidents, c'était extrêmement dangereux, mais c'était l'idée d'une liberté que conquérait, contre une consommation qui peu à peu égalisait les conditions, une liberté qui était conquise par les classes supérieures. Après, la voiture, à partir aux États-Unis sans doute à partir des 20 ou 30 et puis un peu plus tard en Europe, la voiture s'est popularisée et est devenue un objet de consommation plus ou moins courante. Enfin, de décennie en décennie, tout le monde a fini par posséder une voiture et s'est passé à ce moment-là véritablement comme une source de liberté. Et puis au-delà de cet aspect-là, il y a un autre aspect de liberté qui là est présent de manière quand même très forte dans l'imaginaire de la voiture. Par exemple, quand on regarde les publicités actuellement pour la voiture, principalement ce qui y est vanté, c'est la liberté. On se retrouve en voiture dans des espaces vides, on se retrouve en voiture dans des villes vides, on se retrouve en voiture dans des lieux qui sont protégés, on est caché, dissimulé, protégé derrière une capote et on se sent comme à l'abri du monde. Donc il y a cette idée de sécurité, il y a cette idée de propriété privée. Quelque part, l'homme vit grâce à la voiture un petit peu comme dans une bulle, un petit peu comme protégé du monde. Je me souviens d'avoir parlé avec un homme politique qui me disait, je parlais d'écologie, et il me disait, il y a une dimension que vous percevez peut-être pas, c'est que énormément de gens ne possèdent pas de logement, ils sont locataires, mais la voiture est la seule véritable propriété qu'ils ont. Donc il y a vraiment ce sentiment d'être à l'abri derrière les parois de la carrosserie. Quelque part, c'est un espace privé qui s'expose en partie dans un espace public quand on prend la route, mais enfin, on se sent quand même très largement à l'abri, très largement coupé des autres. Et c'est quelque part une forme de liberté. Alors peut-être une liberté réduite, une liberté peut-être même illusoire, mais une liberté quand même. Votre voiture est garée quelque part par ici ? Ouais, on est juste là, c'est celle-ci, ma petite voiture. Oui, jeter un coup d'œil parce que des fois ça dit quelque chose des gens. Du conducteur, ouais, et des gens. Bah, alors, si ça dit quelque chose, je vous laisse deviner ou. Il y a un siège enfant. Oui. Elle est propre. Oui, elle est propre, bah, ça fait 2 ans que je l'ai. Bon, ceci dit, c'est un diesel, je roule moins qu'avant. Donc j'ai fait une grosse bêtise en l'achetant, quoi. Ça, c'est clair. Allez, je vous emmène chez moi. Je vous emmène chez moi, dans mon petit home, nouveau home, parce que je suis arrivée ici avec beaucoup de... Mais ma voiture, l'autre, elle m'a bien servi, parce que... Heureusement qu'elle faisait banquette pour dormir, parce que je me suis retrouvée dans une situation un peu catastrophique ici. Et ben j'ai pu dormir dans ma petite voiture quand même. C'est pour ça que j'ai pris une plus grande. Problème se représente. Bon, je touche du bois. Qu'est-ce qui vous est arrivé au juste ? Je me suis retrouvée SDF. Et comment ça marche ? Et ben ça marche très. Et que heureusement que j'ai eu du bol de trouver quelqu'un qui a pu m'avoir ce logement où nous allons. Mais ça a été très dur. Ça a été très dur parce que je venais d'avoir 60 ans. J'avais eu déjà une vie extrêmement remplie de... haut et de bas, ça a été extrêmement dur, quoi. Ouh, bon là-dedans. Alors, comment ça s'est passé, Christine ? Par quelle succession de phénomènes vous êtes retrouvée sans logement ? Eh ben, à vrai dire, moi, j'étais remontée de la Lozère pour travailler, puisque moi, j'étais quand même au chômage. Depuis 2 ans là-bas et je trouvais pas de boulot. Donc je remonte dans la région parisienne pour trouver du boulot. Donc garder un gamin, faire un ménage. Et j'avais eu la chance, parce que moi je suis une ancienne commerciale, donc j'ai eu la chance de retomber un peu dans mon milieu. Donc j'étais assistante commerciale, c'est-à-dire que je tapais un peu les rapports et je m'occupais d'un planning pendant une demi-journée par semaine. Mais seulement il s'est avéré que, au bout de 3 mois, le gars il m'a pas gardé, il a fermé la boîte. J'ai fait un burn-out parce que je me retrouvais sans argent. Et donc, de ce fait, moi, j'ai dit au propriétaire chez qui je louais, j'ai dit, écoutez, je m'en vais, je ne vais pas vouloir faire des dettes. Donc, je suis partie de chez eux et je me suis mis dans ma voiture. Et donc, du fait, je me suis retrouvée dans ma voiture, mais je me suis mis quand même dans un endroit qui était... D'abord parce qu'il y avait un point d'eau, parce que c'était calme, et parce qu'il y avait la caserne des pompiers qui était pas loin aussi. Comme ça, tu as tous les atouts. Et on viendra pas t'embêter. Jusqu'au jour, évidemment, on m'a remarqué qu'il y avait un véhicule qui restait au même endroit avec tant de bagages à l'intérieur. Et moi qui me faisais... Il y a quelqu'un dedans. et qui me faisait une espèce de petite toilette comme je pouvais, évidemment, avec ce petit robinet d'eau. Et je pense que ce doit être les pompiers qui m'ont repéré. Et une personne de la mairie me connaissait par l'intermédiaire de quelqu'un. Et de là, évidemment, elle m'a dit, mais il est hors de question que vous restiez comme ça, là. Donc, on va vous trouver un logement, on va vous ouvrir un logement de secours. Entre deux, ça a duré quand même 2 mois, cette histoire-là. Hein. Et vous avez dormi 2 mois dans votre voiture? Non, j'ai dormi une semaine dans ma voiture, à peu près. À peu près une semaine. 5 jours, exactement, dans ma voiture. Et vous aviez un plan, en quelque sorte? Enfin, vous vous disiez, je vais dormir dans ma voiture, au vu et au su de tout le monde, et ça réagira peut-être? C'était mon espoir, ouais. Bon, mais ceci dit, je m'en suis sortie. Et de là, la première chose que j'ai fait, comme je n'avais quand même pas des bons souvenirs dans mon petit véhicule, j'avais des très bons et j'avais dit que vraiment ce souvenir-là était vraiment très nocif. Puis bon, elle avait quand même plus de 10 ans, elle était fatiguée, cette voiture. Mais j'adorais mon petit véhicule. Tout le monde me disait, t'as la voiture à Mickey. C'est vrai que cette petite Suzuki Wagon Air, je sais pas, ouais. Moi, je me suis beaucoup attachée à cette voiture. Je la regrette, hein. Je regrette de ne pas avoir acheté la même. Et on aurait dit une petite maison ambulante. Cette voiture, c'était marrant. C'est l'usage que vous en avez eu pendant une semaine. Et elle vous a sauvé, finalement. Elle m'a sauvé, ma voiture. Ah, si j'avais pas eu de voiture, je me retrouvais à la rue, c'est clair. Et voilà, mon véhicule, je suis pas allée au bout du monde, mais j'ai beaucoup bourlingué avec celle-ci. Et c'est la liberté inconditionnelle de ma vie, ça c'est clair. Plus que tout, je crois. Plus que tout. Parce que on est vraiment dans une indépendance, mais qui est nécessaire, je dirais. Ouais, nécessaire. Nécessaire, on a envie de s'évader, hop, on prend la voiture, hop, voilà, le véhicule, c'est quand même un moyen d'évasion qui est... De pouvoir décider de ce qu'on fait, de où on va. Tout à fait. À tout instant. À tout instant, ouais, tout à fait. Réduire l'objet automobile à sa critique environnementale, sécuritaire, c'est manquer toute une partie de l'existence de ce qui demeure à l'échelle mondiale, un espoir. Mathieu Flonneau, historien. Un espoir, alors fictif probablement, une idole, mais un espoir de reconnaissance statutaire, de reconnaissance sociale. Et il n'y a pas besoin forcément d'une actualité trop colorée en jaune, si vous voyez ce que je veux dire, qui vienne rappeler qu'il y a une vie réelle et que dans la vie réelle, l'automobile continue de jouer un rôle. L'automobile suscite des sentiments facilement extrêmes, entre la détestation et l'adoration. Il y a une dimension passionnelle, peut-être un peu fétichiste après tout. Oui, des deux côtés. C'est un objet religieux, et donc partant de là, il y a des guerres de religion. Il y a des guerres de religion autour, il y a des guerres de religion modale, il y a les partisans farouches des transports en commun qui vont vouer aux gémonies l'automobile, et puis il y a ces zélateurs, ces adorateurs. Vous me permettrez de me mettre ni d'un côté ni de l'autre, simplement j'essaye de comprendre aussi les passions de ceux qui voient un objet qui n'est pas totalement banal, qui n'est pas une brosse à dents et qui ne procure pas totalement non plus les mêmes sensations qu'un téléphone portable, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le virtuel. Une fois que vous êtes dans votre automobile, que vous circulez, que vous baissez la fenêtre à 60 à l'heure, vous êtes fouetté par quoi ? Eh bien par le vent du réel. Et ça, cette dimension-là, c'est quand même une sensation. C'est moi ce que j'appelle un objet sensationnel, l'automobile. Peut-être que cet objet de détestation était aussi un objet d'accomplissement individuel, de découverte des autres, de découverte du territoire. L'automobile sert aussi à cela. Marcel Proust l'écrivait très bien. Je prends mon automobile, je vais à la mer. Donc il s'agit de comprendre ce qui est derrière l'automobile. C'est cette aspiration à des routes. Cette aspiration, et comme le dit le Petit Prince, hein, les routes vont chez les hommes. Et donc on découvre les hommes aussi avec l'automobile. Et ceci c'est très lié, hein, parce que j'ai l'habitude de le dire, mais l'automobilisme est un humanisme. Et l'automobilisme est un universalisme. C'est-à-dire qu'on a cherché, effectivement, alors avec des contreparties négatives, excessives, Mais on a cherché à en mettre partout des voitures. Et là, il y a quelque chose qui interroge. C'est-à-dire qu'on en a même retrouvé sur la Lune, et il y en a qui gravitent dans l'espace. Oui, ça correspond à une aspiration anthropologique puissante. Vous m'avez dit, Christine, que vous étiez passionnée par la conduite automobile. Ouais, c'est parce que j'avais un copain, j'ai eu un ami qui avait une R8 Gordini. Et à l'époque, le petit aérodrome de à côté de Coulommiers qui s'appelait Voisin, il était désaffecté. Donc on allait là-bas avec un copain et on conduisait là-bas. Sur une piste en dur. Ouais, sur une piste en dur. Elle était peut-être pas plane, hein, mais bon, bref. On s'est super bien amusé avec une R8 Gordini et on avait un autre copain qui avait une Alpine 310. Eh ben, la Alpine 310, elle a pas tenu le choc, hein. Mais j'ai conduit, j'ai conduit très jeune avec effectivement l'R8. Ouais, ça c'était plaisir à conduire là-dessus. Et j'avais absolument pas peur des freinages d'urgence, de se retrouver à l'envers, de faire des comment on appelle ça, des tête à queue, merci, voilà. Vous aimiez bien ces sensations-là. Ah ouais, il y a une montée d'adrénaline qui est folle, quoi. Et après, ça m'est resté, parce qu'après, j'ai eu une 4L. Bon, la 4L, elle a duré la première année que j'ai eu mon permis. C'est pas une voiture de sport, la 4L. Pas du tout. Enfin, elle était marrante, cette voiture aussi, parce qu'elle avait tout qui s'ouvrait. Le capot qui s'ouvrait comme ça, les portes qui claquaient comme c'est pas permis. Et puis après, j'ai eu ma première voiture achetée neuve. Ça a été une Opel de Corsa. Alors avec elle, là j'ai retrouvé les sensations du... Les sensations de la R8, parce que là, il n'y avait pas moins de radar aussi, compagnie, donc là, ça y allait à fond. Puis après, je me suis acheté la petite Suzuki. Et là, maintenant, j'ai mon petit véhicule de grand-mère. J'ai acheté un Scénic. Je voulais une voiture confortable. Je voulais une voiture où, s'il m'arrive encore un problème, je puisse dormir dedans avec le confort. Voilà. J'aime les roues. J'aime mon automobile, elle fait partie désormais de ma vie, elle est ma vie artistique et spirituelle, autant et plus que ma maison. Elle est pleine de richesses, sans cesse renouvelées, qui ne coûtent rien que la joie de les prendre au passage, ici, là, partout où m'entraîne la fantaisie de voir et le désir d'étudier. J'y sens vivre les choses et les êtres avec une activité intense, en un relief prodigieux que la vitesse accuse, bien loin de l'effacer. Elle m'est plus chère, plus utile, plus remplie d'enseignements que ma bibliothèque, où les livres fermés dorment sur leurs rayons, que mes tableaux, qui maintenant mettent de la mort sur les murs tout autour de moi, avec la fixité de leur ciel, de leurs arbres, de leurs eaux, de leurs figures. Dans mon automobile, j'ai tout cela, plus que tout cela, car tout cela est remuant, grouillant, passant, changeant, vertigineux, illimité, infini. J'entrevois sans être troublé la dispersion de mes livres, de mes tableaux, de mes objets d'art. Je ne puis me faire à l'idée qu'un jour je ne posséderai plus cette bête magique, cette fabuleuse licorne qui m'emporte sans secousse, le cerveau plus libre, l'œil plus aigu, à travers les beautés de la nature, les diversités de la vie et les conflits de l'humanité. Oui. Texte d'Octave Mirbeau, paru dans La 628-8, c'est le premier roman automobile français, je crois. On peut le qualifier ainsi, c'est sa plaque d'immatriculation. Oui. Mais je n'ai rien à redire à cela, c'est une Fernand Charron, sa voiture, si mon souvenir est bon. Mais j'ai quand même un point à compléter, parce que c'est un texte, et vous me permettrez de le juger ainsi, au second degré. Et ma perception de l'automobile est assez proche de celle-ci, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir beaucoup lu Proust, beaucoup lu Mirbeau, beaucoup lu Sandrart, beaucoup lu Nimier, beaucoup lu Camus, d'autres écrivains qui ont parlé d'automobile pour parvenir à goûter ce plaisir trivial plein et entier. Et c'est tout à fait l'inclinaison et l'inclination que j'ai souhaité donner à ma propre manière d'en écrire l'histoire de l'automobile. C'est une composante de la vie privée. J'écris une histoire de la vie privée lorsque j'écris une histoire de l'automobile. J'étudie cette dimension de vie privée, cette dimension d'assimilation qui passe par le vocabulaire, par l'appropriation étonnante d'un objet métallique, mais qui a parfois été enterré avec son propriétaire à la demande expresse de testament. Il y a un lien tout à fait étonnant. Ça s'est produit, comme certains se faisaient enterrer avec leurs chevaux. Et là, vous avez... voilà, une forme de filiation avec un objet qui n'est pas qu'un objet technique, il n'est pas qu'un objet froid. Il n'y a que de voir les successions aujourd'hui dans les ventes aux enchères des plus belles voitures. Si vous en ressortez avec l'idée qu'une automobile n'est qu'une automobile, vous n'avez rien compris au tableau. Quel genre de voiture vous avez ? C'est une Lexus 430 LS. C'est comme Toyota ? C'est une Lexus. Ouais, Toyota, Lexus, pareil, c'est japonais. N'oublions pas Pearl Harbor, hein. Soyons sérieux deux secondes. Vous la prenez ou quoi ? Oui ou non ? Ben, on va voir, on va y penser. Mais qu'est-ce qu'il y a à penser ? Vous venez de me dire qu'elle vous plaît, vous m'avez posé 10 000 questions, et j'y ai répondu intégralement. Vous l'avez essayé, adopté, qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est un gros investissement, et il nous faut un peu de temps pour y réfléchir. Pour y réfléchir ? Oui. Mais en parlant de réfléchir, ça doit bien faire près d'une heure que vous me cassez les couilles avec tous les putains d'accessoires de merde de cette caisse. Écoutez, parlez-moi des phares, parlez-moi de ci, vous n'avez pas le droit de parler comme ça aux clients. Ce qui me concerne, vous êtes tous sauf des clients. Vous l'achetez, oui ou non ? Pas à vous. Il y a un de vos livres, Mathieu Flonneau, qui s'intitule « Défense et illustration d'un automobilisme républicain », dont l'illustration de couverture est la photo d'un graffiti au pochoir, avec ses formules « Je roule au pétrole, en ville dans ma grosse bagnole, je suis un gros con ». Je ne sais pas où vous avez trouvé cette belle image. Et puis, ça, je l'associe à ce que déclarait René Dumont, un premier candidat écologiste à la présidentielle en 1974. Il disait « La bagnole, ça pue, ça pollue et ça rend con ». Alors oui, bah, écoutez, ce que vous avez cité en couverture de mon ouvrage, qui est en jaune hein, d'ailleurs, un ouvrage paru en 2014, mais c'est une archive que j'ai trouvée sur la voie express rive droite et je m'étais arrêté à l'époque faire une photo de ce panneau sauvage mis sur un pont, et d'ailleurs c'est un appel hein, parce que l'auteur m'intéresserait, et c'était quelques mois avant la soutenance de ma thèse de doctorat sur l'automobile à Paris. Bah oui, j'avais essayé moi de faire l'histoire d'un objet qui a des lettres de noblesse, qui peut en avoir, qui peut en présenter, et qui n'est pas simplement une réduction de la personnalité de chacun, et ce n'est pas la capsule absurde et le comportement vulgaire décrit dans ce graffiti tout à fait étonnant. Et vous êtes là devant une réflexion qui est profonde, et moi qui me saisis naturellement. Je ne consacrerai ma vie d'intellectuel qu'à un objet con. Et pourtant, cet objet con, eh bien, des grands artistes en ont tiré une capacité d'intelligence du monde, de découverte du monde. C'est un paradoxe. Mais manquer le moteur fondamental de cet objet qui caractérise le XXe siècle, qui a révolutionné le travail, qui a révolutionné l'espace, qui a révolutionné l'individu également. La consommation qui représente un regard sur le monde et qui ouvre aux autres. Bah oui, l'automobile, c'est cela aussi. C'est quelque chose qui peut être lesté d'intelligence. On va relativement doucement parce qu'on est encore à l'agglomération, on ne peut pas aller trop vite. Pour le moment, on va tirer que 6000 tours parce que la voiture est froide. Le carcan et la liberté. Avec André Roche, historien, Mathéo, Anne Saint-Dreux, présidente de la Maison de la Pub, Florent Bussy, professeur de philosophie, Mathieu Flonneau, historien, Jean-Pascal Assailly, psychologue, Christine. Extrait de Mafia Blues 2 de Harold Ramis. Merci à Leïla Picard de la Maison de la Pub à Paris 17e. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Perrine Kervran. Attachée de production Marie-Vonne Abolivier. Archivina Manuela Dubessy. Prise de son Marcos Daras. Deuxième, 7000 tours. La troisième est beaucoup plus longue à monter. C'est normal. On est déjà à 140. Pour une R5, c'est pas mal. 150. 160. Elle approche des 6000 tours,